Que la vie il y a beaucoup trop de monde qui ont beaucoup trop de temps dans la fonction publique. C'est comme l'Office québécois de la langue française. Ben là. Oui. Là, on s'est trouvé un nom là pour la piste cyclable, là, mais ça a pris... Ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans pour finalement s'arrêter à Corridor Père Marquette. Quand t'es parti, ça va s'appeler demain. J'ai pris le plus long corridor. Oui, c'est bon, quel mauvais souvenir. Laurence... oui, Jalbert. Jalbert. Oui. Laurence Jalbert. Fait qu'on est parti de vélo boulevard. Après ça, il y a eu d'autres expressions là comme itinéraire cyclable partagé. Après ça, ça a été vélo rue. Puis ça finit à corridor Père Marquette. Ça parle même pas de vélo dans le nom, ça marche pas. Après l'excellente intervention de l'Office québécois de langue française. Corridor de pédale, j'aurais aimé ça, moi. Voix de pédale, ouais. Ça faisait pas ouais, non plus. Non. Il y a eu des plaintes, je pense. Ouais, probablement. Il y a eu quelques plaintes. Ouais. 9h10. Oui. Il y a une photo.